إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، donc nous sommes toujours avec le livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé Masail al-Jahiliya, dans lequel il a cité un certain nombre de préceptes parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à eux. Nous en sommes aujourd'hui au 52e précepte. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit Al-Mas'alatu al-Thaniyatu wal-Khamsun Al-Qadhu fi hikmatillahi ta'ala. Le 52e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de dénigrer la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de la renier. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit lui-même par la sagesse, et il s'est nommé Al-Hakim, le sage. Et Al-Hikma, la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Donc Al-Hakim, c'est celui qui met chaque chose à la place qui lui convient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la sagesse, Al-Hikma, et on compte parmi ses noms, Al-Hakim, le sage. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu médites sur sa création, alors tu observes qu'il n'a rien créé si ce n'est avec une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien créé en vain. Il a créé les cieux pour une sagesse. Il a créé les terres pour une sagesse. Il a créé les arbres, les montagnes, les mers, les fleuves, tout cela pour une sagesse. Et de la même manière, il a créé les djinns et les hommes, les animaux, les insectes et autres parmi les créatures, tous pour une sagesse. Et il suffit pour comprendre cela de méditer sur la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu médites sur cela, tu constateras à travers sa création qu'il y a dans tout cela une grande sagesse et que toutes ces créatures ont été créées par Al-Hakim, le sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc sage dans sa création, mais également dans ses ordres, ses interdits et tout ce qu'il légifère. Ce qu'il nous a interdit, subhanahu wa ta'ala, il nous l'a interdit car ceci est nuisible pour nous, ou car le mal en cela est prédominant. Et ce qu'il nous a ordonné, il nous l'a ordonné car il y a en cela un intérêt pour nous, ou alors l'intérêt en cela est prédominant. Et ceci fait partie de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Également fait partie de sa sagesse qu'il va juger les créatures et les rétribuer en fonction de leurs œuvres. Il va rétribuer le bienfaisant en fonction de sa bienfaisance. Il va rétribuer celui qui a commis des mauvaises œuvres en fonction de ses mauvaises œuvres. Il ne va pas laisser les gens sans rétribution. Chacun œuvre, puis personne n'est rétribué, car ceci s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rétribuera chacun en fonction de ses œuvres. Et c'est pour cela qu'il a dit dans son noble livre « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ » Ce n'est pas pour jouer que nous avons créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Puis il dit subhanahu wa ta'ala Ceci est la pensée de ceux qui ont mécru. Que les cieux et la terre ont été créés en vain et qu'il n'y a pas de rétribution après cela. Ceci est ce que pensent les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cela qui renie la résurrection et la rétribution. Et il a dit subhanahu wa ta'ala أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Pensez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne reviendrez pas vers nous? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدًى L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer, c'est-à-dire qu'on ne lui adressera pas d'ordre et qu'il n'aura pas d'interdit et qu'il ne sera pas rétribué. Ceci est la pensée de ceux qui ont mécru. Et ceci s'oppose à la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc telle était la conviction des gens de la Jahiliyyah. Ils rejetaient et reniaient la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa création, mais aussi dans son ordre, c'est-à-dire ses ordres et ses interdits, ainsi que sa législation. Et ceci est encore présent aujourd'hui chez certaines personnes parmi les groupes égarés affiliés à l'islam, à l'exemple des Mu'tazila ou des Asha'ira, qui renient la sagesse dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, les Asha'ira, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait, ce n'est pas pour une sagesse, mais il le fait seulement par sa volonté, non pas pour une sagesse. Ils renient donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes et également dans sa législation. Et ils font cela prétendant purifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ceci les a menés à prononcer des paroles ignobles, comme le fait de dire qu'il est possible qu'Allah ordonne la mécréance, la perversion ou les péchés, et qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdise l'accomplissement de la prière, le maintien des liens de parenté, ou autres parmi les œuvres de bien. Ils disent car tout ceci revient à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait ce qu'il veut. Il peut ordonner le mal et il peut interdire le bien car Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et comment on leur répond? On leur répond bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Toutefois, il ne fait rien sans qu'il n'y ait en cela une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans qu'il n'y ait en cela une sagesse. Également, parmi leurs paroles ignobles, ils disent qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse entrer un mécréant au paradis, ou qu'il laisse éternellement un croyant pieux dans le feu de l'enfer, car il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci est une parole d'une plus grande fausseté, qui s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous suffit pour comprendre la fausseté de cela de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme les corrupteurs sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Et il dit aussi سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, comme leur jugement est mauvais? En effet, ceux qui attribuent cela à Allah subhanahu wa ta'ala, ils attribuent en réalité l'injustice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Ses jugements sont justes. Il ne peut pas ordonner à ses serviteurs d'accomplir les œuvres pieuses et leur promettre une récompense pour cela, et leur interdire les mauvaises œuvres, et les menacer d'une sanction pour cela, puis ensuite, récompenser en bien celui qui a fait les mauvaises œuvres, et châtier celui qui a œuvré dans le bien. Ceci s'oppose à la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit la dangerosité de la croyance de ces différentes sectes, comme les Sha'ira ou les Mu'tazila, dont la croyance les amène à prononcer des paroles très graves au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, en réalité, ils l'ont hérité des gens de la Jahiliya qui reniaient la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: Al-mas'alatu thalithatu wal-khamsun, i'malu al-hiyal al-zahirati wal-batina fi daf'i ma ja'at bihi al-rusul. Le 53e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de mettre en œuvre des ruses apparente et cachée, afin de repousser ce avec quoi sont venus les messagers. Alayhi salat wa salam. Puis il a cité deux versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: wa makaru wa makar Allah. Ils complotèrent, c'est-à-dire lorsqu'ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah complota contre eux, c'est-à-dire en guise de rétribution pour leur complot. Et il a mentionné aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit au sujet d'un groupe des gens du livre: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ. واقفروا آخره لعلهم يرجعون. Un groupe parmi les gens du livre dirent: Croyez en ce qui a été révélé à ceux qui ont cru en début de journée. Wakfuru akhirahu. Et mécroyez-y en fin de journée. La'allahum yarji'un. Peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire peut-être délaisseront-ils leur religion en vous suivant. Donc il fait partie des œuvres des gens de la Jahiliya. Parmi les gens du livre, ainsi que les polythéistes arabes, le fait de mettre en œuvre des ruses et des complots afin de rejeter ce avec quoi était venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce afin de pouvoir rester sur leur mécréance et leur égarement. Et ils ont fait cela, car en réalité, ils n'étaient pas capables de faire face à la vérité, et de débattre franchement avec des arguments. Donc, ils se sont orientés vers les ruses et les complots, afin d'essayer de repousser la vérité de manière pernicieuse et subtile. Et entre dans cela, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans sa parole. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Ils complotèrent et Allah complota contre eux et Allah est le meilleur en complot. C'est-à-dire qu'Allah, il a fait échouer leur complot subhanahu wa ta'ala. Et ce lorsque les juifs ont voulu tuer Isa ibn Maryam alayhi salam, al-Messih. Car comme on l'a vu, il faisait partie des habitudes des juifs de tuer les prophètes alayhi salatu wa salam. Ils ont donc voulu tuer Isa. Ils sont alors partis voir un roi mécréant, un idolâtre, et ils lui ont dit: cet homme te fera perdre ton pouvoir si tu le laisses. Alors, ce roi a envoyé un groupe de personnes afin de tuer Isa alayhi salam. Ils sont donc entrés auprès de lui, là où il se trouvait, et ce afin de le tuer. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala a détourné leur complot de son prophète alayhi salatu wa salam. Il a donc placé sur un des suiveurs de Isa alayhi salam la ressemblance à Isa. Et ils ont donc pris cet homme qui avait l'apparence de Isa, alayhi salam, l'ont tué et l'ont crucifié. Et tout cela en pensant que cela était Isa. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait sauvé et l'avait élevé vers lui. Et ce sans même qu'il ne s'en rende compte. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit subhanahu wa ta'ala « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire que ce n'est pas Isa alayhi salam qu'ils ont tué, mais ils ont tué un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné son apparence. Et c'est cela le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Ils complotèrent et Allah complota contre eux et Allah est le meilleur en complot. Et ceci est en guise de rétribution, car ceci fait partie de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il a retourné leur complot contre eux et l'a déjoué. Et dans le deuxième verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité, il nous parle donc de ce groupe parmi les gens du livre, parmi les juifs, qui ont utilisé une autre ruse afin de détourner les gens de la vérité avec laquelle est venu le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par la victoire sur les polythéistes lors de la bataille de Badr. À ce moment-là, les juifs étaient incapables de détourner les gens de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se sont orientés vers la ruse et les complots. Et un groupe parmi eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Entrez en islam en début de journée, et une fois que la fin de journée arrive, délaissez l'islam et apostasiez. Et dites aux gens, nous n'avons rien trouvé de bon dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils espéraient en cela que les gens les suivent. Et ce car, ce sont des gens du livre, des gens qui avaient du savoir. Ils vont dire alors, s'ils avaient trouvé quelque chose de bon dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient pas quitté sa religion. Et ils espéraient donc que des gens les suivent aveuglément et délaissent la religion de l'islam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a déjoué leur plan et l'a dévoilé. Et il a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ Et un groupe parmi les gens du livre a dit آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ Croyez en ce qui a été révélé à ceux qui ont cru en début de journée. وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Et mécroyez-y en fin de journée, peut-être reviendront-ils. Donc ceci est une des ruses qu'ils ont utilisée pour essayer de détourner les gens de la vérité. Et c'est à ce sujet que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le précepte suivant. Et il a dit, al-mas'alatu al-iqraru bil-haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ihi, kama qala fil ayah. Le 54e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de reconnaître la vérité, et ce afin de pouvoir la repousser et la rejeter, comme il l'a dit dans le verset, c'est-à-dire le verset que l'on vient de citer et expliquer. Ceci était ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya. Il se peut qu'ils venaient et acceptaient la vérité, c'est-à-dire en apparence, non pas par conviction, mais ce avec pour objectif de rejeter cette vérité, comme les Juifs l'ont fait dans le verset que l'on vient de lire. Et il faut savoir que cette ruse, elle est toujours présente aujourd'hui au sein de la communauté de l'islam. Il y a encore aujourd'hui des gens qui s'infiltrent dans les rangs des musulmans, des gens qui font partie des ennemis de l'islam, des ennemis de cette religion. Ils montrent en apparence qu'ils acceptent la vérité, qu'ils veulent l'islam. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent altérer l'islam et le corrompre et détourner les musulmans de la religion de vérité. Ceci s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous venez de l'entendre. Mais ceci existe encore aujourd'hui. Il y a encore des gens, parmi les ennemis de cette religion, qui vont montrer en apparence l'islam, qui vont se dire musulmans, montrer à accepter l'islam, montrer à accepter cette religion. Pourquoi? Pour pouvoir après mieux la rejeter. Pour faire croire qu'ils la rejettent avec connaissance, avec science, et non pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Ou alors ils vont se faire passer pour des musulmans, puis ensuite essayer d'altérer la religion, en déformant ses règles, en rejetant certains de ses jugements, et ainsi de suite, parmi les ruses qu'ils emploient, afin d'essayer de corrompre la religion de l'islam. Ils propagent des ambiguïtés au sein des musulmans, et également, ils sèment la division et l'animosité entre les musulmans, en favorisant leur division en groupes, en sectes, en confréries, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des ruses des ennemis de l'islam et de leurs complots. Également, ceci est pratiqué par certains parmi les gens de l'innovation. Il se peut qu'un innovateur, il vienne, et sachant que la sunna et que la voie salafie est appréciée par le commun des gens de par sa pureté, sa clarté, et le fait que c'est la religion authentique, celle sur laquelle était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et celle qu'il a enseignée à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il sait que s'il vient avec son innovation, afin de détourner les gens de cela, ils ne vont pas accepter cela de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient sous l'apparence de la sunna. Il se présente comme étant un suiveur de la sunna. Il s'affilie à celle-ci. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Petit à petit, il va commencer à rejeter certaines choses faisant partie de la sunna. Pourquoi? Afin que les gens le suivent dans cela. Et il fait cela quand? Une fois qu'il est suivi. Une fois qu'il a beaucoup de suiveurs, une fois que les gens l'écoutent et prennent sa parole en considération, il commence à altérer la sunna, à rejeter certaines choses de la sunna, à rejeter certains jugements, à rejeter certaines règles, et ainsi de suite. Tout cela pourquoi? Pour que les gens le suivent dans son égarement. Donc le musulman, il doit être attentif à cela. Il doit savoir qu'il y a des gens qui utilisent et mettent en œuvre ces procédés pernicieux afin d'égarer les musulmans. Donc si tu as conscience de cela, tu ne dois pas tendre l'oreille et accorder ta confiance au premier venu qui vient et parle de l'islam ou parle de la sunna. Mais tu dois prendre garde. Regarder qui est cette personne, quelles sont ses aptitudes, d'où vient-il, qui est-il, qui le recommande, et ainsi de suite, parmi les choses que l'on a déjà mentionnées dans des cours précédents concernant le fait de ne pas prendre sa religion d'inconnu. On voit ici une fois de plus le danger de cela. On a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont négligentes à ce sujet, qui font preuve de laxisme à ce sujet, et qui tendent l'oreille à la première personne qui vient et parle d'islam. Il suffit que la personne dise le mot sunna ou le mot salaf, ah c'est bon, il est bien, je vais l'écouter. Et il tend l'oreille. Et il s'abonne à sa chaîne YouTube. Il s'abonne à son compte Twitter. Il le suit. Parfois même sans connaître l'identité de cette personne. Certains sont cachés derrière des pseudonymes. Aujourd'hui c'est facile. Aujourd'hui, il est très facile pour les ennemis de cette religion de venir et de semer la zizanie entre les musulmans. Il vient, il se cache derrière un pseudonyme et il sème la discorde. Il va commencer à mentir sur tel prédicateur, à mentir sur tel cheikh, et ainsi de suite. Et ces mensonges se propagent parmi les gens au point d'être pris comme des vérités. Et l'erreur, elle vient d'où à la base? Quelle est la première erreur? La première erreur, c'est d'avoir accepté les informations d'un inconnu, d'une personne dont tu ne peux ni vérifier l'identité. Est-ce que c'est un musulman? Est-ce que c'est un mécréant? Est-ce que c'est un sunni? Est-ce que c'est un salafi? Ou est-ce que c'est un innovateur? Et tu ne peux même pas vérifier ses aptitudes pour parler de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut prendre garde à cela, être conscient que ces ruses qui étaient présentes à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elles sont encore présentes aujourd'hui. Et il faut être conscient que les ennemis de cette religion, ils sont très nombreux. Et que les ennemis de la salafia, ils sont très nombreux. Et que un de leurs plus grands souhaits est de voir les gens de la sunna divisés et éparpillés. Et de les voir délaisser cette religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ils font donc de nombreux efforts pour cela. Ils œuvrent de jour et nuit et font des complots afin de réussir à atteindre ce but. Donc le musulman, il doit être attentif, ne pas tendre l'oreille au premier venu, ne pas tendre l'oreille à toute personne qui parle d'islam ou qui parle de la sunna, mais vérifier de qui tu prends cette religion. Vérifier qui tu écoutes concernant la religion. Vérifier qui tu lis concernant la religion. Comme l'a dit l'imam Ibn Sirin, Rahimahullah ta'ala, certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc c'est la deuxième ou troisième fois que je réaborde ce sujet durant ce cours, car il est d'une grande importance et qu'on observe un grand laxisme à ce sujet chez nombreux de nos frères et sœurs. Et ce laxisme, il est la cause de l'égarement de nombre de personnes et de leur délaissement de la vérité ou d'une part de la vérité, wallah al-musta'an. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de tous nous raffermir sur sa religion et ce jusqu'au jour de sa rencontre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-mas'alatu al-khamisatu wal-khamsun, at-ta'assubu lil-madhhab, ki qawlihi ta'ala, wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Le 55e précepte, parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fanatisme pour une école ou pour un courant de pensée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans sa parole selon le sens rapproché, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Donc on a déjà fait allusion à cela lors de l'étude du 28e précepte, qui est le fait de n'accepter de la vérité que ce que son groupe détient. Donc ceci est relativement proche. Le fanatisme, celui qui est réprouvable, c'est le fait qu'une personne, elle se cramponne à un avis ou une parole en sachant que celle-ci est fausse. Ceci est le fanatisme qui est réprouvable en religion. Et ceci fait partie des préceptes parmi les préceptes des gens de la jahiliya. En effet, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit au sujet des juifs, il disait « Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum » Ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Et dans l'autre verset que l'on a déjà cité, il a dit subhanahu wa ta'ala « Nu'minu bima unzila alayna » Et nous croyons en ce qui a été descendu sur nous. C'est-à-dire, nous ne croyons que ce qui a été révélé à nos prophètes, alayhimus salatu wassalam. Telle était la prétention des Juifs. Alors que, comme on l'a déjà dit, l'obligation, c'est de croire en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à l'ensemble de ses prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, et ce, sans faire de distinction entre eux. Et comme on l'a dit, malgré cela, en réalité, ils ne suivaient pas leur prophète, alayhimu salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a d'ailleurs dit, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ Alors, pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah? Si vraiment, vous suivez les prophètes qui vous ont été envoyés, pourquoi les tuez-vous? Ceci s'oppose à leurs prétentions. Donc le fanatisme, c'est une chose qui est réprouvable dans notre religion. Et entre dans cela, ce qui est présent chez les suiveurs des écoles juridiques, qui se fanatisent pour une école, sans tenir compte des preuves. Et l'obligation pour le musulman, de manière générale, et notamment pour celui qui aspire à l'étude de la science, c'est de chercher la vérité et de suivre la vérité lorsqu'il en prend connaissance. Que cette vérité fasse partie de son école ou qu'elle ne fasse pas partie de son école. À titre d'exemple, si une personne est sur le madhhab, sur l'école de l'imam Ahmad, qui est Hanbali, mais que sur une question parmi les questions religieuses, il s'aperçoit que la preuve elle est plutôt présente dans la vie soutenue chez l'école malikite ou chez l'école hanafite. Alors qu'est-ce qui est obligatoire pour lui? L'obligatoire, c'est d'accepter la vérité où elle se trouve. Et la vérité, c'est ce qui est démontré par les preuves du Coran et de la Sunna. Il ne faut pas dire, non, moi je ne suis que mon école. Tout ce qui est venu dans mon école, je l'accepte, sans distinguer entre ce qui est juste et ce qui est faux. Mais le musulman, il doit s'attacher au suivi des preuves. Il prend la vérité où elle se trouve, même si elle provient d'un savant qui ne fait pas partie de son école juridique. Car notre objectif premier, cela doit être le suivi de la vérité. Et ce que l'on doit prendre en considération, c'est ce qui est démontré par les preuves. Et les preuves, comme on a dit, ce sont les textes du Coran et de la Sunna que l'on doit faire prévaloir sur la parole de quiconque parmi les hommes. Aussi éminent soit-il, aussi grand soit le savant, sa parole ne doit en aucun cas passer au-dessus des textes du Coran et de la Sunna. On fait prévaloir les textes du Coran et de la Sunna sur sa parole. Ceci est ce qui est obligatoire pour toute personne qui recherche la science et qui a les capacités de distinguer entre le vrai et le faux. Quant à celui qui n'a pas les capacités, qui ne fait pas partie des gens de science, alors, comme on l'a dit auparavant, il interroge les gens de science. Les gens de science en qui il a confiance, puis il suit l'avis juridique qu'ils vont lui émettre. Ceci est la bonne voie à emprunter, se soumettant ainsi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Quant au fait de se fanatiser pour une école, et de prendre tout ce qui est présent dans cette école, que cela soit juste ou faux, que cela soit en accord avec les preuves ou non, alors ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des Juifs. N'acceptez et ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Aujourd'hui, il y en a parmi les suiveurs des écoles qui disent, n'acceptez que les paroles de ceux de notre école. N'acceptez les fatwas que des savants malikites, ou que des savants hanbalites, et ainsi de suite. Ceci est une erreur. Tu acceptes la vérité, celle qui est démontrée par les preuves. Et ce fanatisme également, il est présent chez certaines personnes qui s'affilient à la sunna. Il y a des gens aujourd'hui qui s'affilient à la sunna, et lorsqu'ils aiment un cheikh, lorsqu'ils aiment un enseignant, lorsqu'ils aiment un prédicateur ou une personne de science, ils vont se comporter avec ces paroles d'une manière laissant penser que ces paroles sont toutes vérité. C'est-à-dire que si tu vas reprocher une erreur de leur cheikh, une erreur de leur enseignant, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour essayer de justifier ces erreurs. Même si ces erreurs sont des erreurs claires et évidentes, des paroles gravissimes, des paroles liées à la croyance, des paroles dont la fausseté est apparente, ils vont essayer de les justifier par tous les moyens. Comme si leur cheikh était infaillible et qu'il ne se trompait jamais. Et ceci est une forme de fanatisme blâmable, semblable à ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya. De la même manière, ceux qui disent « Ah, le cheikh, s'il a parlé, il n'a pas parlé pour rien. S'il a parlé, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il a forcément une preuve. » Ceci est une erreur. Le cheikh, le savant, le professeur, l'enseignant, le prédicateur, avant tout, ce sont des hommes qui peuvent avoir juste et qui peuvent se tromper. Donc si une chose leur est reprochée, ce qui doit être pris en considération, c'est ce qui est en conformité avec les preuves, avec les textes du Coran et les textes de la Sunna, et non pas la notoriété du cheikh ou le fait que tu l'aimes et que c'est ton enseignant. Tout ceci ne doit pas entrer en considération dans ta manière de distinguer le vrai du faux. Mais la seule chose que tu prends en considération, c'est la conformité aux textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: المسألة السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Le 56e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait d'appeler le suivi de l'islam polythéisme, fait de qualifier le suivi de l'islam comme étant du polythéisme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole selon les sens rapprochés, il ne conviendrait pas qu'un homme à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Adorez-moi en dehors d'Allah ». Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya de qualifier le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et le suivi de la vérité comme étant du polythéisme. Et ceci en réalité c'est une manière de retourner les choses et d'inverser les réalités. Et ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, il a été révélé au sujet du groupe de chrétiens de Najran qui sont venus au messager sallallahu alayhi wa sallam afin de s'entretenir avec lui. Ils sont donc entrés dans la mosquée et ont commencé à discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué que l'ensemble des prophètes et des messagers alayhi wa salatu wa sallam, ils ont tous pris l'engagement que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait envoyé, que si l'un d'entre eux était vivant, alors il le suivrait. Alors un de ces chrétiens a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohammed, veux-tu que l'on t'adore? C'est-à-dire qu'il a considéré le suivi de la vérité comme étant du polythéisme et une manière d'adorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Il ne conviendrait pas qu'un homme à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, adorez-moi en dehors d'Allah. Car les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils sont tous venus avec l'appel au tawhid, l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun d'entre eux n'a appelé au polythéisme. Aucun d'entre eux n'a appelé les gens à l'adorer. En aucun cas. Au contraire, ils sont venus condamner cela. Et le réprouver sévèrement. Mais cela, c'est à cause de leur fanatisme qu'ils ont prononcé cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé ce verset afin de leur répondre. Et cette parole, on l'entend aujourd'hui encore. On entend des gens, comme ceux qui adorent les tombes par exemple, qui vont considérer que l'adoration des tombes, c'est le tawhid, et c'est l'islam, et ainsi de suite. Et si tu les appelles à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont t'accuser de manquer de respect aux saints. De ne pas respecter les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils inversent donc les choses. Si tu leur dis qu'il n'est pas permis d'invoquer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont te dire, toi, tu détestes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. De la même manière que l'ont fait ces chrétiens de Najran, qui ont considéré le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant une manière d'adorer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc hérité cela des gens de la Jahiliya. Qui ont appelé le faux vérité et la vérité faux. Allah al-musta'an. Et de la même manière, ces gens aujourd'hui, lorsqu'on les appelle à revenir aux gens de science sur certaines questions, revenez aux savants spécialisés sur telle et telle question et ainsi de suite, ils vont te dire, vous, vous adorez tel savant. Vous êtes des adorateurs de tel savant. Allah al-musta'an. Ils ont hérité cette parole des gens de la Jahiliya. Ils ont hérité cette parole de ces chrétiens. Qui sont venus et ont discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il leur a présenté la vérité, ils lui ont dit, veux-tu que l'on t'adore, Mohammed? Telle était leur manière de rejeter la vérité, Wallah al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, al-mas'alatan as-sabi'atu wa-thaminatu wal-khamsun, tahrifu al-kalimi an mawadi'i, wa layu al-sinati bil-kitab. Le 57e et le 58e précepte, qu'il a mentionné ensemble car ils sont très proches, c'est le fait de détourner les mots de leur sens, et de tordre sa langue en lisant le livre. C'est-à-dire de le lire d'une manière à en détourner le sens. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des juifs dans le verset 46 de Surat An-Nisa. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'i. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Puis il dit après dans le verset, layyan bi al-sinatihim wa ta'nan fi d-din. En tordant la langue, et attaquant la religion. Donc le fait de détourner les mots de leur sens, d'en changer les lettres, ou de l'interpréter d'une manière contraire à ce qu'il signifie réellement, ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya, et plus précisément, les gens du livre, qui avaient pour habitude d'altérer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala en les détournant de leur sens, soit en changeant leurs termes, soit en les interprétant d'une manière erronée. Donc toute personne aujourd'hui, qui vient et qui altère les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il suit en cela la voie des gens de la Jahiliya. Et telle est la voie de l'ensemble des gens du faux, parmi ceux qui s'opposent à l'islam, et même parmi les groupes égarés, s'affiliant à la religion de l'islam, et qui altèrent les textes. Et qui altèrent les textes. Ils vont modifier, ou bien les termes, ou bien les sens des textes, afin qu'ils soient en accord avec leurs objectifs et avec leurs idéologies. Ils peuvent parfois en altérer les termes, parfois en altérer les sens, ou alors les interpréter d'une manière qui correspond à ce qu'ils désirent. Ils ont hérité cela des gens de la Jahiliya. Il est donc obligatoire pour le croyant d'avoir foi en tout ce qu'a révélé Allah subhanahu wa ta'ala en ses termes et en ses sens, et de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et ce, sans rien en changer et sans rien en altérer. Ceci est ce qui est obligatoire pour tout croyant. Que cela soit en accord avec tes passions et avec tes désirs, ou que cela s'y oppose, tu dois te soumettre à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont des mauvais fondements et qui sont sur des idéologies erronées. Et tu les vois, ils vont tordre les textes du Coran et de la Sunna afin de les détourner de leur sens. Ils vont les interpréter d'une manière qui n'est pas celle qui est connue chez les savants de l'islam. Et ce, car lorsqu'ils ont été incapables de rejeter et de renier ces textes, comme parfois certains hadiths authentiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths dont l'authenticité est indiscutable. Ils ne peuvent pas les rejeter, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les interpréter d'une manière qui correspond à leur passion et à leur voix erronée. Et telle était la méthode des gens de la Jahiliya, et notamment les Juifs. Il est donc obligatoire pour le croyant de respecter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respecter la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de croire au texte du livre et de la sunna en leurs termes et en leur sens. Tu n'ajoutes rien à ces textes, tu n'en diminues rien, et tu ne les interprètes pas d'une façon erronée. Et c'est pour cela qu'on voit l'importance de ce que les savants mentionnent toujours lorsqu'ils appellent à suivre le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qu'ils ajoutent après cela? Nous suivons le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et à leur tête, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum. Tu comprends les textes du Coran et de la Sunna tels qu'eux les ont compris. Il n'est pas possible qu'une personne vienne, plus de 1400 ans après la révélation de l'islam et la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que subitement il comprenne un texte que personne avant lui n'avait compris de cette manière. Ceci est une chose très dangereuse qui peut mener à de graves égarements. C'est pour cela que le musulman, il doit être sur ses gardes et, une fois de plus, regarder de qui il prend sa religion et ne pas tendre l'oreille à toute personne qui parle d'islam ou qui parle de la sunna. Mais il prend sa religion des gens de confiance, de ceux qui l'appellent à suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et des gens qui ont les aptitudes pour cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera lors du cours de demain. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا